Les différents niveaux de conscience. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'être humain est composé de différents aspects. Donc, autrement dit, l'être humain est composé d'une conscience instinctive, d'une conscience émotionnelle, d'une conscience intellectuelle. Ça, c'est des niveaux de conscience qui se rapportent à l'âme. Et l'être humain qui vit la fusion avec l'esprit, donc qui intègre l'énergie de l'esprit, peut vivre une conscience également de nature supramentale. Par rapport à ces différents types de niveaux de conscience, je vais les aborder dans les prochaines minutes. Tout d'abord, la conscience instinctive, c'est une conscience que lorsque l'âme commence à s'incarner dans la matière, elle est appelée à développer. C'est la conscience qui est en relation avec l'instinct de conservation, donc de préservation de la forme, que ce soit par rapport aux intempéries, que ce soit par rapport à la température. Donc, l'âme qui apprend à vivre dans un corps physique doit développer une conscience instinctive parce que l'instinct, c'est ce qui permet à l'être humain, lorsqu'il le développe, de par sa nature animale, de se protéger des dangers et des menaces. Et c'est aussi à travers la conscience instinctive que ça favorise la reproduction, ça favorise l'activité sexuelle. Et c'est au niveau du vécu de la conscience instinctive qu'il y a la manifestation des pulsions sexuelles. Comme les pulsions sexuelles sont facilement saisissables par l'âme, parce que rattachées à la densité de la matière, rattachées à la dimension animale du corps physique qu'elle incarne, dans le cadre d'une incarnation, eh bien, c'est une énergie, celle instinctive qui est très facile à percevoir. Donc, quelqu'un qui est beaucoup influencé par une conscience instinctive, ça peut être une personne qui va vibrer beaucoup à la peur et au désir sexuel. Entre autres, c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'intérêt à regarder des films de sexe qui stimulent le désir sexuel, étant donné qu'elle est sous l'influence de pulsions de nature instinctive qui vont influencer ses pensées et ses comportements. De plus, c'est une personne qui peut trouver très stimulant d'écouter des films d'horreur qui va faire vibrer la dimension instinctive par rapport à elle, c'est-à-dire la peur de la mort ou la peur d'entités, etc., parce qu'à ce moment-là, ça va la dynamiser. Ensuite, une personne peut développer une conscience de nature émotionnelle. Donc, lorsque la personne est plus stabilisée à l'égard de l'instinct de conservation, les enjeux de survie, eh bien, à ce moment-là, si elle est un peu plus stable, elle peut percevoir les émotions qui sont un peu plus subtiles que les pulsions sexuelles étant plus denses au niveau énergétique. Donc, quelqu'un qui développe une conscience émotionnelle, c'est une personne qui, par exemple, va aimer vibrer à des émotions. Donc, elle est un peu plus intériorisée que celle qui a strictement une conscience de nature instinctive, qui fonctionne beaucoup en relation avec les sens physiques, le goût, l'odorat, le toucher et le désir sexuel qui est plus dense, alors que la conscience émotionnelle, c'est un peu plus subtil les émotions que les perceptions strictement matérielles ou de la pulsion sexuelle. Donc, la conscience émotionnelle, c'est une conscience que les gens vont manifester lorsqu'ils vont avoir du plaisir, par exemple, à écouter des films. Ça peut être aussi à travers l'écoute de téléromans, où il y a des drames, il y a des rebondissements émotifs. Ça peut être aussi d'écouter à la télévision des bulletins de nouvelles de type sensationnaliste, avec du drame qui vise à accentuer des états de peur, de colère, de tristesse, ressentir de la jalousie, de la joie, de l'envie. Donc, ce qui fait créer et engendrer des émotions. Donc, quelqu'un qui développe une conscience émotionnelle peut apprécier écouter également de la musique qui va le faire vibrer émotivement, et amplifier et nourrir des états émotionnels qui vont lui permettre d'avoir un certain sentiment d'existence. Donc, lorsque la personne ressent des émotions, ça peut être aller à un manège comme la montagne russe ou de pratiquer des sports extrêmes, ça lui donne une forme de sentiment d'exister parce que l'énergie qui est engendrée par l'émotion va dynamiser cette personne-là. Donc, c'est une personne qui va, en vivant par rapport à une conscience émotionnelle, chercher à nourrir son corps émotionnel et cette personne-là va accorder beaucoup de place dans sa vie au corps émotionnel plutôt qu'à d'autres aspects qu'il pourrait développer ou qu'il a déjà développé dans sa conscience. Ensuite, une personne peut développer une conscience de type intellectuel. Donc, la personne va aimer écouter des documentaires, va écouter des bulletins de nouvelles de nature plutôt neutre, descriptive, à la différence de la personne qui est plus émotive, qui cherche du sensationnalisme, donc des rebondissements, un bulletin de nouvelles de nature spectaculaire, alors que la personne intellectuelle est un peu plus stable dans le mental, elle va aimer les débats d'idées, elle va aimer créer des réflexions sur certains sujets, elle va travailler beaucoup au niveau de l'idée, ce qui est plus subtil que les émotions. Et c'est plus subtil encore que la pulsion sexuelle. Fait que vous voyez qu'au fil des différents types de conscience, à mesure que la personne avance dans son développement, elle passe du général vers le particulier, donc le plus pointu. Donc une conscience intellectuelle, c'est beaucoup plus subtil par rapport à ses perceptions qu'une conscience émotionnelle et instinctive. La conscience intellectuelle, c'est par rapport à la personne qui développe un esprit scientifique, un esprit analytique, un esprit qui est capable de faire des synthèses, faire de la recherche. Quelqu'un qui est en plein développement intellectuel va aimer passer des heures et des heures à lire des livres. C'est une personne qui va aimer écouter des documentaires sur Internet. Donc, une conscience intellectuelle se nourrit de l'extérieur par rapport à des idées, au même titre que la personne qui a une conscience émotionnelle va aimer vibrer émotivement en écoutant, par exemple, un match sportif, en s'identifiant à une équipe. Donc, elle va se nourrir d'émotions qui proviennent de l'extérieur d'elle. Et puis, une personne de type instinctif va se nourrir de perceptions sensorielles qui proviennent de l'extérieur d'elle, qui peuvent, par exemple, stimuler son désir sexuel. Donc, la personne peut se nourrir d'images à caractère sexuel. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de niveaux de nourriture et c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur par rapport à ces différents types de conscience qui sont en relation avec le développement de l'âme dans la matière. Et puis, lorsque l'âme entre en contact avec l'esprit, dans le cadre de la fusion, eh bien, la personne apprend à se nourrir de l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire de sa source, de son contact avec l'énergie de l'esprit, pour aller vers l'extérieur et manifester cette vibration à travers la parole et ses actions. Donc, la dynamique est très différente. Chez l'individu qui vit une conscience supramentale, la conscience supramentale, c'est un développement qui est au-delà du plan planétaire, qui vise le développement du corps physique et une liaison psychique avec le plan astral. Donc, la conscience supramentale, c'est quelque chose qui s'exprime à travers, bien entendu, la parole vibratoire et l'action qui est chargée de l'énergie de l'esprit que l'individu est capable de canaliser consciemment. Donc, la personne qui évolue en développement de conscience supramentale, va se nourrir d'autres communications qu'il peut entendre avec des enregistrements, des vidéos de gens qui manifestent une conscience supramentale également et de contact avec des individus sur la même longueur d'onde que lui. Donc, plus que la personne touche à une conscience supramentale et plus que sa nourriture psychique est subtile, parce qu'il se nourrit de vibrations. À la différence de la personne qui se nourrit d'idées intellectuelles qui sont beaucoup plus lourdes, parce que en relation avec l'ego, en relation avec un travail de l'ego, alors que dans la conscience supramentale, la personne peut parler pendant des heures, mais elle ne se fatigue pas comme celle qui absorbe de l'information à l'extérieur d'elle. Donc, quelqu'un peut lire un livre pendant 2 ou 3 heures et ressentir une lourdeur dans le mental parce que la personne accumule des formes dans son intellect, alors que lorsque la personne vit une conscience supramentale, elle peut parler des choses pendant 2 ou 3 heures, mais il n'y a pas de lourdeur parce qu'elle ne cherche pas à retenir l'information, elle cherche plutôt à manifester une vibration qui va engendrer des mots, mais elle ne vise pas à mémoriser tout ce qu'elle dit, elle est plutôt intéressée dans le processus créatif qui consiste à manifester ce qu'elle dit dans le moment présent selon la vibration du moment, ce qui est très différent. Donc, ce n'est pas une optique d'accumulation de formes dans le mental, comme la conscience intellectuelle, mais c'est plutôt une optique de manifestation, d'une vibration vitalisante d'un savoir. Et c'est ça la distinction avec la conscience intellectuelle. Bien sûr, chaque niveau de conscience a son utilité et un niveau n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, le travail de la conscience supramentale vise à harmoniser les différents niveaux de conscience que présente l'être humain, ses différents aspects, pour former un tout cohérent. L'énergie de l'esprit, lorsqu'elle est intégrée, elle vise une unification totale de l'être. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de dualité entre la conscience instinctive et la conscience intellectuelle. Qu'il n'y ait pas de dualité entre la conscience émotionnelle et la conscience instinctive. Donc, il n'y ait pas une opposition entre ces différents aspects-là, mais une harmonie et une intégration cohérente pour que ces niveaux de conscience, lorsqu'ils se manifestent, le soient en harmonie avec la vibration de l'énergie mentale en relation avec la conscience supramentale, plutôt qu'astrale, parce que lorsque l'individu agit, que ce soit au niveau émotif, intellectuel, avec de l'énergie astrale, bien, il va manquer d'ajustement à comparer d'une action qui est faite en conformité, en harmonie avec le plan mental, parce que les entités qui se trouvent sur le plan astral, qui peuvent chercher à influencer l'être humain, sont des entités en voie de développement et qui n'ont pas accès à une conscience intégrale. Par conséquent, les actions qu'elles peuvent amener à commettre, l'individu, que ce soit sur le plan sexuel, sur le plan émotionnel ou intellectuel, vont nécessairement manquer d'ajustement. Alors que lorsque l'individu est capable de travailler d'une manière volontairement consciente en concertation avec l'esprit, il peut manifester une action qui va être totalement ajustée avec l'intelligence de l'esprit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'individu est inconscient et se spiritualise, il peut avoir tendance à vivre une forme de spiritualité au niveau émotionnel et intellectuel qui peuvent l'amener à délaisser l'aspect instinctif de sa vie. Donc, autrement dit, il y a des gens qui, en s'élevant au niveau intellectuel, au niveau de l'idée, vont avoir un certain mépris par rapport à la sexualité et la matière parce qu'eux autres se croient en étant en contact avec l'esprit. Alors que la personne qui est réellement en contact avec l'esprit ne méprise pas la sexualité ou le vécu d'émotions. Ce qu'il cherche plutôt, c'est en faire une intégration de manière cohérente, de manière à être tout le temps bien dans sa peau. Parce que si la personne a trop de débordements au niveau sexuel, eh bien, à ce moment-là, le niveau sexuel amène un excès de dépenses d'énergie dans sa vie qui peut créer des déséquilibres. Parce que si la personne abuse d'un aspect au détriment des autres, eh bien, à ce moment-là, la personne se trouve fragilisée et ça l'empêche de connaître un développement intégral, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une vie sexuelle qui est épanouie, être capable par la suite d'avoir un corps émotionnel développé d'une manière adéquate qui lui permette de vibrer à la beauté, qu'il peut percevoir lorsqu'il voit, par exemple, une belle peinture ou entend de la musique, alors que lorsque le corps émotionnel est débalancé, la personne, par exemple, peut écouter un bulletin de nouvelles où les questions d'attentats terroristes, de massacres, de bombes, d'explosions, et si la personne se laisse perturber émotivement par le visionnement de ce bulletin de nouvelles, bien, ça va l'empêcher de dormir. Alors que si le corps émotionnel est géré d'une manière adéquate, la personne peut percevoir différentes formes dans son environnement, mais ne pas se laisser influencer par des formes qui l'amènent à devenir dysfonctionnel dans sa vie. Donc, autrement dit, il est capable de ressentir la beauté, entre autres, qu'il peut voir dans un film ou une pièce de théâtre, sans pour autant se laisser imprégner de la violence qu'il peut percevoir à la télévision lorsqu'il est question, par exemple, de guerre entre des individus ou différents groupes. Donc, il est capable de constater qu'est-ce qui se passe avec objectivité, neutralité, sans se laisser imprégner par cela. Pour ce qui est de la conscience intellectuelle, l'équilibre vient du fait que l'individu, lorsqu'il touche au plan mental, réalise qu'il n'a pas à passer sa vie à chercher de l'information et l'accumuler, parce que de toucher à la conscience supramentale donne accès au savoir d'une manière intuitive et immédiate. Donc, autrement dit, l'individu qui passe une conscience intellectuelle à supramentale doit être capable de délaisser la quantité incroyable d'informations qu'il peut accumuler pour être capable d'être vide dans le mental et se laisser être de manière à être disponible à les idées créatives qui peuvent émerger de sa conscience en relation avec le contact que la personne expérimente avec son esprit. Donc, c'est un fonctionnement psychique différent. C'est-à-dire que lorsque la personne est insécure, lorsqu'elle vit au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, lorsqu'elle est orgueilleuse, lorsqu'elle est influencée par le plan astral, elle peut avoir tendance à vouloir accumuler l'information pour se sécuriser, alors que lorsqu'elle vit en contact avec la conscience supramentale, elle ne vit pas en fonction d'une insécurité de l'ego, mais elle vit plutôt avec une capacité de manifester une intelligence créative à tout moment. Donc, autrement dit, elle ne cherche plus à accumuler des choses pour se sécuriser parce qu'elle est stable dans le mental de par sa capacité à manifester sa vibration au besoin. Donc, elle a un fonctionnement psychique extrêmement différent. Tout ça pour dire que lorsque l'être humain s'engage dans la voie de connaître un développement intégral, il peut avoir une vie sexuelle en harmonie avec la conscience de son esprit, dans le respect de soi et de l'autre. Il peut avoir un vécu au niveau émotionnel qui lui permet d'apprécier la beauté qu'il peut percevoir dans son environnement à travers l'art, la créativité. Au niveau intellectuel, il peut apprécier la lecture de livres. Il peut apprécier au niveau de documentaires scientifiques qui lui donnent accès à certaines données. Et il est en mesure aussi d'apprécier sa relation avec l'esprit, étant donné que lorsqu'il a une conscience intégrale, eh bien, à ce moment-là, il est capable de gérer intelligemment sa relation avec l'esprit pour pas qu'il empiète sur sa vie. Donc, autrement dit, rendu à ce point, la personne a intégré les différents aspects de son existence et elle est capable de se maintenir dans un état de stabilité mentale. C'est la difficulté à gérer l'un de ces aspects qui peut occasionner des problèmes de santé, qui peut occasionner du stress, notamment la gestion de l'aspect émotionnel et intellectuel et aussi du rapport au corps physique. Tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont mal gérés, c'est sûr que ça peut amener l'individu à avoir une vie qui est déséquilibrée, remplie de souffrance, alors que lorsque tous ces aspects-là sont harmonisés avec l'intelligence de l'esprit, eh bien à ce moment-là, la personne vit de plus en plus dans un état de vide mental qui lui donne accès à une créativité instantanée aux besoins qu'il peut canaliser parce que ses corps sont stables. En fait, ce qui empêche de canaliser l'énergie du supramental et qui bloque son intégration et la descente dans l'individu, c'est le fait, entre autres, d'avoir un corps émotionnel instable Parce que si la personne est très réactive sur le plan émotionnel, et bien d'être en contact avec une énergie qui est beaucoup plus subtile, lorsqu'elle a de la difficulté à gérer une énergie qui est plus dense, soit celle émotionnelle, eh bien c'est extrêmement difficile parce que l'énergie émotionnelle va embrouiller l'énergie de nature supramentale qui est beaucoup plus fine. Donc autrement dit, lorsque le corps émotionnel, la personne n'est pas capable de le gérer d'une manière adéquate, le corps émotionnel est à ce moment-là comparable à un océan rempli de vagues. Et lorsqu'il y a des vagues, de l'instabilité, on n'est pas capable de voir le fond de l'eau. Alors que lorsque la marée est calme, donc lorsque l'océan est stable et qu'il n'y a plus de vagues, c'est possible de percevoir le fond de l'océan, un peu comme on peut percevoir la conscience supramentale. Mais pour y arriver, ça prend une stabilité au niveau émotionnel qui est grande. Et ça, c'est un prérequis parce que tant que le corps physique n'est pas stabilisé dans sa situation, tant que le corps émotionnel ne l'est pas et intellectuel, il est impossible pour l'individu d'être capable d'être suffisamment stable pour canaliser et intégrer la force de l'énergie supramentale parce que ces corps qui servent à contenir cette énergie ne sont pas suffisamment stabilisés et matures dans leur développement. Donc, autrement dit, la personne qui se développe, qui évolue, doit être capable d'avoir un corps physique stable qui est capable de gérer adéquatement son corps émotionnel et ensuite celui intellectuel pour être en mesure par la suite d'avoir les bases, les fondations par rapport à l'aspect planétaire de son existence suffisamment forte pour intégrer la descente de l'énergie supramentale et être capable de rester toujours stable dans le mental en mesure de composer à ce moment-là intelligemment avec cette énergie